tiennent à ce mi-adolescent. Il y a aussi tous ces rêves que l'on a enterrés, remplacés par l'aigreur de l'âge, au type de rage. Je comprends, c'est si facile de dire que c'était mieux avant. Et combien de tours mensonges dont on ne s'extirpe qu'en lambeaux. En la dans nos aigreurs, on préfère le pire au plus beau. Et ainsi on se venge quand tombe nos soirs, perdus dans le grenier de l'âge. On enrage. C'est si facile de dire que c'était mieux avant. C'était un bon temps. Le cœur rouillé là, nostalgique, noyé. Pourtant rien n'a changé. Seule pourra encore lever le poing. Dans un élan de poésie, rallume ta fantaisie une fois pour moi. Ne trouve-t-il pas que c'est facile de dire que c'était mieux avant. C'était le bon temps. Ouvre un peu les yeux. Simplement différente.